casquette plie. Collé à mon siècle, les derniers seront les premiers. Alors l'emblème c'est le Z. J'aime quand j'ai une quête plie. Collé à mon siècle, les derniers seront les premiers. Alors l'emblème c'est le Z. Ici c'est l'alpineur, sur les petits qui meurent, sur les petits qui pleurent. Moi j'ai des phases à faire vomir ton cœur. Moi je dis que l'amour si t'as la bouche au cœur. Baiser ou se faire baiser la vie d'un dictateur. Petit souris au bélec au prédateur. L'avenir de nos enfants, mais voilà ça fait peur. Je veux pas le voir continuer, je veux pas ralasse des fleurs. Mets-toi à bouquiner, viens pas tuer le sang pleure. Si tu te fais piétiner, tu dois revenir dans l'heure. C'est dent pour dent, œil pour œil, je viens crever les deux. J'aime pas les bleus, ils ont la gueule à Didier Deschamps. Le juge est menaçant, ironie du sort. On est tous congolais devant la barre, on s'appelle innocent. Dieu prolonge la vie quand le calibre s'enraye. J'ai perdu mon sommeil, j'ai perdu quelques rayes. J'aime quand j'ai une quête plie. Collé à mon siècle, les derniers seront les premiers. Alors l'emblème c'est le Z. J'aime quand j'ai une quête plie. Collé à mon siècle, les derniers seront les premiers. Alors l'emblème c'est le Z. Intransigeant avec les autres car je donne toujours le meilleur de moi-même. Ça prend 10 ans après les fautes pour faire le bien. L'erreur c'est soi-même. Ouais, je me souviens l'époque du Francos, la sorbette, les savonnettes. Je reviens d'un temps que les moins de 20 ans ne pourront pas connaître. À vivre le pire, les années vont ronger les pages. J'ai toujours eu la flemme de lire des livres, mais pas de compter les liasses. Chaque soir une tuerie, j'attends le final d'une vie sale. Mon histoire, une dramaturgie musicale. Écoute cet opérable, c'est du sirop d'érable. Achète mon malheur en CD, alimenté d'un mal inopérable. La musique, un fossé, au lieu de fuir, j'ai fait un saut de l'ange. On va tous mourir, donc chaque sourire est violence. J'aime quand j'ai une quête plie. Collé à mon siècle, les derniers seront les premiers. Alors l'emblème c'est le Z. J'aime quand j'ai une quête plie. Collé à mon siècle, les derniers seront les premiers. Alors l'emblème c'est le Z. J'aime quand j'ai une plaquette collée à des autres plaquettes. Joue plus avec ma plume qu'avec mon skeg, j'fais pas les claquettes. Les petits jouent aux raquettes, tire ce match avec des vraies balles. Sans airbag, finissent dans des affaires qui visent à faire mal. On aime voir les grosses lères de piller se dupliquer. L'argent appelle l'argent, lui qui pousse à le supplier. On voit nos rêves s'envoler, donc on passe par certains trajets. Dompter l'ennemi à la couleur de ce qu'il crache. J'aime quand j'ai des litres, ça m'évite la paperasse. Sera la sans camasse, débrouillard comme le dernier de la classe. Dans le brouillard, commettre des erreurs, apprendre à se forger. La plaquette est un bon moyen de connaître quelques dangers. J'piave une gorge, j'pense à toutes les crâneries qu'on a fait. Aujourd'hui mon angle se concentre sur le donjon d'après. L'usine avec un Z, obligatoirement construit avec des barrettes. Les temps ont bien changé, faut pas qu'ils s'arrêtent. J'aime quand j'ai une quête plie. Collé à mon siècle, les derniers seront les premiers. Alors l'emblème c'est le Z. J'aime quand j'ai une quête plie. Collé à mon siècle, les derniers seront les premiers. Alors l'emblème c'est le Z. J'arrive en zigzag pour semer la zizanie. Je veux que mon son tourne jusqu'en Asie, jusque dans la chatte à Zazie. J'lâche les gaz dans le Ferrari. Et le public se met à tes os comme si je rappais des extasies. Je débarque sans un radis, te dis je me fais flasher par les paparazzi. Je suis venu baiser le rap comme si ça plaît Materazzi. L'usine, enlève le N et le E, ça fait Uzi. Retire ta bouche de ma queue et va faire la cuisine. Je me tape le crâne contre les murs, ça sonne creux, j'ai trop fumé de résine. Je suis venu donner tout ce que je peux comme l'Algérie au Brésil. Écoutez ma zig, c'est magique, chacun de mes sons est un pain de plastique. Colle mon album contre un fourgon, j'en fais traverser la vide. J'ai pas la prétention de sortir des classiques. Encore un putain de son numéro 1 à l'hôpital psychiatre. Mais j'avais plus de basket quand je lui cravais des plaquettes. J'aime quand j'ai une quête plie. Collé à mon siècle, les derniers seront les premiers. Alors l'emblème c'est le Z. J'aime quand j'ai une quête plie. Collé à mon siècle, les derniers seront les premiers. Alors l'emblème c'est le Z. J'avais plus de basket quand je lui cravais. Quand je lui cravais des plaquettes. Lucie, j'ai ma œuf, tu touches une plaquette. Plaquette.